tous ces Menelik, SMC égal à la télé, c'était Olivier Tom, les Tortues Ninja, j'ai connu Atari Master System, la Super Nintendo, Alex, Tetris, Sonic, Shinobi, ainsi que Luigi et Mario. Pour moi, Will Smith a toujours été, restera le prince de Bel Air. Néanmoins, Art Taker a vif, était tout autant populaire. Passer un quart de mes vacances au camping, car je laisse sur mer pour ces moments passés là-bas, coûte très bien, merci à ma mère. Profite de l'instant présent, parce que le futur frappe à ta porte. Tout ne sera sûrement pas plaisant, mais apprends tout de ce que la vie t'apporte. Le temps passe trop vite, tic-tac. Le temps passe, le temps passe trop vite, tic-tac. Le temps passe, le temps passe trop vite, tic-tac. Le temps passe, le temps passe trop vite, tic-tac. Le temps passe. Je me rappelle du collège que pendant tous les cours de solfège, on brûlait le bout des bouchons en liège pour noircir le bout du nez à la neige. Mes profs racontaient à mes parents que j'étais un élève turbulent, mais je n'ai jamais été insolent, sauf peut-être avec Monsieur Durand. J'aimais bien cette insouciance quand je repense à mon enfance devant le monde des adultes. Moi je me sentais sans défense, j'avais tout plein d'idées. La musique me guidait, elle me guidera jusqu'à la mort. Profite de l'instant présent, parce que le futur frappe à ta porte. Tout ne sera sûrement pas plaisant, mais apprends tout de ce que la vie t'apporte. Le temps passe trop vite, tic-tac. Le temps passe, le temps passe trop vite, tic-tac. Le temps passe, le temps passe trop vite, tic-tac. Le temps passe, le temps passe trop vite, tic-tac. Le temps passe. Avion descend, j'ai joué à Snake sur le Nokia 3310. J'ai vu Loana dans la piscine, pendant Love Story sur M6. J'ai connu l'époque, des bidets, Gatou Rio. J'ai pas toujours eu de bonnes notes, car avec mes potes je faisais l'idiot. J'écrivais des textes en classe au lieu d'écouter les professeurs. Je n'aimais pas me regarder dans la glace, car mon reflet me faisait horreur. J'ai assimilé que quand un vaste cas se recoller est une erreur, qu'à des blessures jamais ne sait pas. Je l'ai appris à mes dépens d'ailleurs, hein. Profite de l'instant présent, parce que le futur frappe à ta porte. Ne sera sûrement pas plaisant, mais apprends tout de ce que la vie t'apporte. Le temps passe trop vite, tic-tac.